Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Bienvenue à En Piste avec Tania Baudin sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et oui, vous l'aurez deviné, je suis Tania Baudin. On va passer la prochaine heure ensemble, tout juste avant le Mathieu Plante Show. Et comme vous le savez très bien, En Piste avec Tania Baudin est une émission qui porte bien souvent, du moins la plupart du temps, sur le monde de la course automobile, sur le monde des véhicules routiers au Québec. Et puis, on discutait la semaine dernière d'une possibilité d'avoir les émissions soit en balado-diffusion ou encore en rediffusion. Eh bien, sachez qu'elles sont présentement disponibles depuis la semaine dernière sur le site d'assemblagerequis.com. Donc, vous savez, j'anime aussi avec Mathieu Plante l'émission Assemblage requis les mardis. Et depuis ce temps-là, eh bien, on fait quand même un bon teamwork, comme on appelle. Donc, si jamais vous voulez réécouter tout simplement les émissions, eh bien, sachez que c'est disponible maintenant sur le www.assemblagerequis.com. Vous avez simplement à cliquer sur l'onglet En piste avec Tania Baudin. Et Mathieu a gentiment accepté comme ça de me mettre sur son site Internet. Alors, comme je le disais, si jamais vous avez manqué l'émission la semaine dernière et que vous aimeriez tout simplement réécouter la première de la saison, eh bien, c'est maintenant possible sur le site Internet. Et j'espère que vous allez le faire et que vous allez nous donner surtout vos opinions, vos commentaires sur quoi que ce soit. Si jamais vous avez des idées de chroniques, si jamais vous avez tout simplement des petits commentaires à me faire, eh bien, sachez que c'est possible de le faire aussi sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Elle a été créée il y a quelques temps, à peine 2 semaines, tout juste avant qu'on se mette à faire la première de la saison. Et l'année dernière, eh bien, on n'en avait pas, c'était simplement un hashtag. Alors, si vous venez de vous joindre à nous pour la première la semaine dernière, eh bien, vous savez, on a maintenant une page Facebook. Donc, allez faire un petit tour, voyez comme ça vous plaît. Laissez encore une fois vos commentaires si jamais ça vous tente. Et surtout, bien, aimez la page. Hein. C'est quelque chose qui va beaucoup nous donner à savoir qui écoute, quel est notre créneau de gens visés. Alors, si vous êtes parmi ces gens-là, eh bien, allez faire un tour, s'il vous plaît. C'est vraiment très, très apprécié lorsqu'on reçoit vos commentaires et lorsqu'on reçoit aussi vos opinions et vos suggestions. C'est toujours pour vous faire plaisir que l'on fait nos émissions. Alors, si jamais ça vous tente, que vous avez, comme je l'ai dit, que vous avez des idées de chronique, eh bien, ça va me faire plaisir d'essayer de répondre à vos suggestions. Alors, allez faire un petit tour sur Facebook et sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. On va commencer l'émission très brièvement. En fait, je voulais faire un petit récapitulatif de ce qui allait se passer durant l'émission avec vous. Donc, bien comme à chaque émission depuis la saison dernière, on va faire un récapitulatif, oui, de ce qui s'est passé la fin de semaine dernière dans le monde de la course automobile, alors que ce soit en NASCAR ou encore en karting au Québec, au Canada. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. On va aussi avoir une entrevue avec le pilote ontarien Gary Clute qui fait partie maintenant de la classe NASCAR Next. Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement et comment s'est passé de son côté le premier week-end de la saison NASCAR Pinty's au Canada du côté de l'Ontario cette fin de semaine. C'était à Mossport, l'ancien circuit qu'on appelait Mossport, qui s'appelle maintenant le Canadian Tire Motorsport Park. Alors, Gary va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé de son côté, comment est-ce que ça se passe pour le NASCAR Next Class et qu'est-ce qui s'en vient surtout, parce qu'on le sait, c'était la première de la saison, mais il en reste quand même 11 autres à venir. Alors, j'ai bien hâte de discuter avec lui. Je crois que ça va être une des premières entrevues entièrement anglophones, donc ne vous inquiétez pas. Par la suite, je vais quand même bien récapituler tout ce qui s'est dit en français pour vous. Si jamais il y a des gens qui sont pas très, très à l'aise avec l'anglais, eh bien, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Je vais tout simplement faire la traduction par la suite, à la suite de l'entrevue. On va aussi parler Indy 500. C'est quelque chose qui vient de se passer durant les dernières minutes. On a eu des grosses nouvelles sur les médias sociaux. Donc, on va discuter Indy 500. On va aussi discuter des pilotes qui seront au Indy 500. Et aussi, quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur l'événement du Indy 500. Donc, ça va être un petit peu un questionnaire à savoir si vous-même, vous êtes un expert de la question ou si vous allez apprendre de nouvelles choses. Et on va aussi discuter la coupe Nissan Micra avec le pilote Kevin King, qui va être au téléphone avec nous un petit peu plus tard, vers la fin de l'émission. On le sait, il y a eu un gros disons-le comme ça, un gros accident il y a quelques temps du côté de Kalabugi. On en avait discuté la semaine dernière dans l'émission. Eh bien, on va discuter avec un des pilotes qui était dans l'accident, donc Kevin King, et on va aussi discuter avec lui karting. Est-ce que ça veut dire que Kevin serait du côté du karting encore une fois cette année? C'est ce qu'on va savoir. Alors, tout juste avant l'émission, eh bien, on va prendre, pourquoi pas, déjà une pause musicale parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on aime notre musique et notre émission. Quand même, on aime ça diversifier. Alors, on va aller écouter un petit peu de country. Je vous avertis, cette semaine, l'émission aujourd'hui va porter beaucoup sur les pièces musicales country. C'est un petit faible, j'aime ça. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aiment la course automobile, qui aiment aussi ça, ce genre de musique-là. Alors, on va aller écouter Bringing Back the Sunshine et tout de suite après, on devrait avoir Gary Clute au téléphone. Yeah. Bringing Back the Sunshine, oui, on va le dire, de Blake Shelton. C'est une chanson qui a quand même qui a eu lieu aussi, qu'on a entendu à quelques reprises dans certaines publicités de NASCAR. Je dirais la NASCAR côté américaine. Mais bon, de ce côté-là, c'est toujours plaisant de l'entendre. Et je vous dirais que c'est une pièce que j'apprécie beaucoup moi-même. Donc, je voulais vous la partager parce que je trouve que ça fait été. Je trouve que ça amène le soleil malgré la température aujourd'hui. Là, on est mercredi après-midi, il fait pas beaucoup soleil, il annonce quelques gouttelettes, mais espérons que cette pièce qui s'appelle Bringing Back the Sunshine va justement nous ramener le soleil dans quelques instants. Croisons-nous les doigts. On a tellement eu une belle fin de semaine que ça serait vraiment beaucoup trop, disons-le, triste de tout simplement pas avoir ce fameux soleil avec nous. Donc, je vous parlais un petit peu plus tôt qu'on allait faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé du côté course automobile en fin de semaine. Et comme je vous le disais, ça se passait du côté de Canadian Tire Motorsport Park pour la plupart des séries canadiennes. On avait entre autres la NASCAR Pinty's, Porsche GT3, Cup canadienne. On avait aussi une nouvelle série qui était le World Challenge Sprint X. Il y avait la GTA, GTB, GTC. Mon Dieu, je crois qu'on s'est rendu jusqu'à E avec les différentes catégories de ce côté-là. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde du côté du circuit de Mosport. Et c'était vraiment un des week-ends où il faisait beau, il faisait chaud et on sentait justement là, qu'on retournait aux courses pour la plupart. C'était la première fin de semaine de course pour certains. Entre autres, pour les gens qui étaient en NASCAR Pinty, c'était la première de la saison 2016. Et ça s'est quand même très bien passé pour certains. Pour d'autres, ça a été peut-être un petit peu plus difficile, mais on a vraiment eu droit à une course remplie d'action et c'est ce que les gens demandent hein, lorsqu'ils sont là. Bien souvent, c'est ce qu'on va s'attendre aussi d'une série comme celle de la NASCAR Pinty's. On veut que ça bouge, on veut qu'il y ait des relances. Et mon Dieu, en termes de relances, eh bien, on a été gâtés parce que je crois qu'on a été jusqu'à 5 drapeaux jaunes en tout. Vers la fin de la course, il y a la pluie qui s'est mise de la partie aussi à quelques endroits sur le circuit. Parce qu'il faut savoir que le circuit de Canadian Tire Motorsport Park, c'est quand même un circuit qui est très long. C'est 10 virages, mais qui s'étend sur beaucoup. Donc, de ce côté-là, c'était pas à tous les endroits sur la piste où il mouillait. Donc, pour certaines personnes, ça a été avantageux. Et là, je pense surtout à Andrew Ranger qui, lui, a remporté cette course-là, la première de la saison, avec une nouvelle équipe. Je dirais quasiment entièrement une nouvelle équipe. Toujours avec Mopar Dodge, mais on a vraiment performé de la part d'Andrew Ranger. On s'est dans les derniers tours, on a su pousser la machine au maximum. Et c'est vraiment ce qui lui a donné eh bien, la première marche du podium. En deuxième position, eh bien, on a eu Robin Buck. Robin Buck, qui est un pilote qu'on avait déjà vu dans la série NASCAR canadienne dans le temps. C'est aussi un instructeur de course automobile sur le circuit de Canadian Tire Motorsport Park. Alors, quand on dit que quelqu'un peut très bien connaître un circuit, un tracé. Eh bien, c'est un peu le cas de Robin Buck. C'est un gars qui partait peut-être même avec un avantage parce que justement, il passe ses journées sur cette piste-là. Il doit la connaître comme le fond de sa poche. Donc, ça lui a mérité la deuxième place. Et en troisième, eh bien, c'était DJ Kennington, un pilote qu'on voit quand même assez souvent sur le podium, mais je dirais plus souvent sur les circuits. Les circuits ovaux, les circuits ovales, c'est quand même assez rare qu'on va voir DJ Kennington monter sur les marches du podium lorsqu'il s'agit d'un circuit routier. Il l'a lui-même dit en conférence de presse après l'événement. Il dit « Je m'attendais quand même bien à performer. Je m'attendais à bien performer. Par contre, c'est sûr que moi, je m'y connais mieux du côté ovale. Je m'y connais mieux sur les petits circuits. » Donc, de ce côté-là, il savait très bien qu'Andrew Ranger allait avoir un avantage et bien c'est qui lui a permis tout simplement de monter sur la première marche pour Andrew, mais DJ Kennington sur la troisième marche du podium. Il y a aussi plusieurs autres Québécois qui se sont très bien affichés. Si je ne m'abuse, Alex Labbé a terminé en quatrième position. Il a leadé la course, disons-le, pendant plusieurs tours et jusqu'à la dernière relance, il y avait de bonnes chances pour le Québécois de terminer en première position ou du moins dans le top 3. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que la pluie a peut-être rentré en ligne de compte ici pour Alex Labbé et a peut-être un petit peu joué contre lui. Je parlais tout à l'heure de la Porsche GT3 Cup. C'est une série qui gagne à faire connaître. C'est une très belle série avec, bien évidemment, de très belles voitures. On s'entend, ce sont des Porsche. Mais je pense que il y a plusieurs pilotes dans cette série-là qui ont déjà été, je veux pas dire qu'ils ont déjà été connus, mais qui sont quand même connus des yeux des gens, des fanatiques qui s'intéressent au monde de la course automobile, que ce soit en monoplace. Là, je pense à des pilotes comme exemple Daniel Murad, Scott Hargrove, Étienne Borja. On a cette année, comme je le disais la semaine dernière, la première femme à courir dans cette série-là, qui est Valérie Chiasson. Elle a aussi très bien fait, Valérie, du côté de Canadian Tire Motorsport Park cette fin de semaine. Zachary Robichon, qui est un nouveau dans cette classe-là. On l'a vu en Formule 1600 la saison dernière. On s'entend, c'est une adaptation qui est différente de celle de la Formule 1600 ou encore même du karting. On sait, Zachary Robichon a été champion canadien à quelques reprises de ce côté-là. Et là, on se ramasse vraiment dans une voiture routière, une grosse carcasse autour de nous. Et Zachary Robichon, eh bien, a remporté l'épreuve du dimanche et ça se voyait sur son visage. Il était content. On pouvait sentir aussi la fierté de son côté. Je pense que ça lui a beaucoup servi et j'ai très, très hâte de voir comment est-ce qu'il va se débrouiller sur d'autres circuits avec la Porsche GT3 canadienne, parce que c'est un pilote rempli de talent et j'ai vraiment hâte de voir avec les pilotes, comme je le disais tout à l'heure, les Daniel Murad, les Scott Hargrove, les gars que ça fait déjà quelques années qu'ils courent dans ce type de série-là. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que Zachary Robichon va venir se mettre le bout du nez là-dedans et va peut-être mêler les cartes un petit peu en pleine saison 2016. On lui souhaite la meilleure des chances. Il y avait aussi du karting du côté de Goodwood. C'était le ECKC, c'est-à-dire le... Attendez... Eastern Canadian Karting Championship. Ça faisait longtemps, je ne l'avais pas dit sur son long. Mais il y avait vraiment beaucoup de pilotes. J'ai eu la chance de croiser cette fin de semaine. Moi, j'étais du côté de Mossport, mais j'ai eu la chance de croiser dans un événement des pilotes qui étaient du côté de Goodwood durant la fin de semaine. C'est à peu près à 45 minutes de distance l'un de l'autre. Et on me disait qu'il y avait vraiment énormément de pilotes qui se sont présentés. On avait au-dessus de 250 pilotes. C'est très bien pour un premier événement du ECKC. J'ai très hâte de voir si le nombre de pilotes va continuer à y aller durant la saison. On sait que c'est 4 manches différentes, c'est-à-dire 4 fins de semaine, et il y a 8 courses au total, si je ne m'abuse. Et il y a des Québécois qui se sont quand même très bien affichés. Là, je pense aux deux frères Lupien. Ce sont pas des noms qui vous échappent, tout simplement parce qu'on a déjà entendu parler d'eux la saison dernière dans Piste avec Tania Baudin. C'est de jeunes pilotes qui savent très bien piloter, et Cédric Lupien a eu... un week-end, on pourrait dire, quasi parfait. Je discutais avec lui quelques minutes avant l'émission et il me disait vraiment que ça allait être une super fin de semaine. L'ambiance était vraiment bonne. Il faisait super beau. Et cette saison, eh bien, il y a eu un grand changement pour Cédric Lupien. C'est son père qui est rendu son mécano. Donc, avant, on voyait du côté de SH Karting l'opportunité d'avoir des mécaniciens qui étaient peut-être pas nos parents. On le sait, en karting, souvent, c'est ce qui va arriver. Mais là, on est revenu aux sources un petit peu du côté de Cédric Lupien. On a décidé de faire appel à papa pour devenir mécanicien. Donc, il dit que c'était vraiment un petit peu différent, mais que tout a vraiment bien été. Ils ont été vite toute la fin de semaine, pratique et qualification et course. Il dit qu'ils étaient toujours top 3 de ce côté-là. Donc, il a tout gagné samedi et dimanche. Et il m'a aussi parlé de son frère qui a fini 4e et 2e durant la fin de semaine. Donc, de ce côté-là, on sent que les frères Lupien, ils sont là, ils sont présents. J'ai comme fortement l'impression que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va entendre parler d'eux cette saison pour le ECKC, parce que ce sont des pilotes qui ont quand même déjà participé au championnat du monde. Donc, j'ai très, très hâte de voir où ce que ça va les mener durant la saison. Je vais essayer, tant bien que mal, de pouvoir me déplacer à quelques événements de karting cette saison. Il y a certains d'entre vous qui savent que mon agenda est quand même assez booké à travailler avec NASCAR on TSN. Donc, de ce côté-là, j'ai peut-être moins l'opportunité de me déplacer du côté de des événements de karting. Mais c'est tellement le fun de retourner aux sources. Donc, je vais essayer du moins cette saison de peut-être à y aller un petit peu plus souvent et de voir justement comment est-ce que les Québécois comment les Québécois performent tout simplement au travers des Ontariens et comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a beaucoup de visages qui n'étaient pas là la saison dernière qui sont revenus? Est-ce qu'on a des gens qui vont peut-être moins bien du côté performance? Donc, je vais essayer vraiment de m'informer pour vous parce que on le sait très bien, le karting, c'est la base de tout, mais c'est aussi une discipline en soi. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va essayer de faire de la place justement à ces pilotes de karting-là dans l'émission En piste avec Tania Baudin. Il y a aussi Ryan McDermott, qui est un pilote ontarien qui a vraiment tout gagné. Ryan qui, il y a quelques années, peut-être avait un petit peu de difficulté à pouvoir se mettre au devant du peloton. On restait quand même en milieu de peloton où il arrivait malheureusement tout le temps des bad luck. Disons-le comme ça, c'est vraiment des bad luck qui lui arrivaient. Et bien là, Ryan McDermott, depuis quelques temps, on le voit au Florida Winter Tour. On le voit du côté de Las Vegas pour le SCUSA. Il met vraiment du chemin sur son dos et il est vraiment quand même très jeune. Donc, de ce côté-là, de voir performer Ryan McDermott, moi, je dois le dire, je suis contente pour lui. C'est un pilote qui a vraiment beaucoup de talent. Donc, on va garder ça sous notre œil encore une fois cette saison. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on allait discuter avec un pilote de NASCAR, c'est-à-dire Gary Clute. Eh bien, ça va se passer tout de suite après la pause. Et bien, j'ai bien hâte de discuter avec lui de NASCAR Pinties ou encore de NASCAR Next Class. Au retour. Vous êtes assez tassé pour l'écouter. L'émission Palmarès du Monde vous offre des entrevues, l'actualité musicale internationale et un top 5 chansons du monde. C'est un rendez-vous tous les jeudis 17h. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Pour une deuxième année consécutive, CIFU 89.1 FM devient la radio officielle des Aigles Canam de Trois-Rivières. Radiodiffuseur pour tous les matchs locaux ainsi que les matchs sur la route de Québec, ne manquez rien de l'action des Aigles de Trois-Rivières dès le 19 mai à l'antenne de CIFU 89.1 FM. Visitez le CIFU.ca et notre page Facebook pour les demandes de publicité lors des matchs. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89.1 FM. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cifou.ca. 89.1 FM. So I guess it's over, baby, déjà vu again. Thought that time don't stop, and somehow, girl, the world keeps spinning, and guess I'll turn myself into a solitary man. Ain't like I'm the only one that's in the shoes that I am. Do you hear that rhythm of night back at the sound of a lonely calling? Do you hear that rhythm? It's where I'm at. It's the sound of teardrops falling down. think love is overrated, but I don't like throwing it away. And Burn sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez toujours En piste avec Tania Beaudin. Je discutais tout à l'heure de ce qui s'est passé durant la fin de semaine. Donc, il y avait des courses du côté de Canadian Tire Motorsport Park. Mais il y a aussi eu plusieurs grandes annonces la semaine dernière. Entre autres, un Canadien qui a été choisi pour NASCAR Next Class. Qu'est-ce qu'exactement NASCAR Next Class? Eh bien, Gary Clute is on the phone right now to explain us. Gary, first of all, how you doing? Good, and yourself? Good, thanks. Tell me a little bit more about what is NASCAR Next Class? So they've been doing it for a few years now, where NASCAR, they pick 10 or 11 kids that they think have kind of, you know, all the potential to go and race at NASCAR's highest level, at Cup. Mm-hmm. So they take those kids from anywhere from 15 to 25 years old, and they take them through their program. And their program, we go down to North Carolina and travel around to different races four or five different times throughout the year, and just get access to all of NASCAR's resources, and they do everything in their power to help us get to the top three level. So this year, you guys are, I think, 11 participants. Tell me, do they base themselves on something to judge you? Do they have some grades to give you? Is it really like a real class? So for the selection process, mm-hmm. I wasn't even aware I was in the selection process, but okay. I guess it's NASCAR officials and veteran drivers all sit down and vote on who they think would best represent the sport and be best, best represent the sport and you know, have the potential to go all the way. So it's old drivers, new drivers, veteran drivers, and then NASCAR officials as well, and they all sit down on a panel and judge that. And I guess winning Rookie of the Year in 2015 really helped, right? I think so. And tell me, 2016 season started this weekend. It was at Canadian Tire Motorsport Park. How did it go for you? It was a tough battle for the Pioneer Pools team. We blew up our first engine in practice. Mm-hmm. Went out on the outlap for qualifying. We were fourth quickest, and then blew up on our what would have been our fast lap. So went back to the shop, tried to diagnose it, put a new engine in, started last. I think we drove to second place by halfway, and then I thought I was getting a point by the 46 car there, and, you know, could have been my mistake, but I got into the back of them, and that bent the front end a bit and hurt us from there on out, and we ended up finishing 10th. But yeah, that's not bad. We had a good car. Yeah. Frustrating when you have a really fast car under mm-hmm. you, and a top 10 is not the worst thing in the world, though, either. So is the team going to work really hard this week and the next week for Chaudière? Exactly. I had a lot of fun at Chaudière last year. It was my second oval race ever. I love that track. We qualified fourth there, and then had a little bit of contact with Tagliani there, but definitely looking forward to going back. I enjoy that place and I enjoy the fans, and it's cool. It's like in the side of a mountain. Definitely. Tell me, I know that 2015 really was a remarkable year for you. What's the mission in 2016? The mission is to really hunt for the championship. We built that new road course car, and we think we can do better with it. We think we can have some pretty good results at iCar and Three Rivers, and then just build on our oval program. I was totally fresh, new, done two ovals in my life last year, so we got a lot of experience as a team as well. So we want to be there at the end for the ovals and try and get our first oval win. And tell me, there's a lot of rookies this year, but these rookies are not always not known in the NASCAR world, right? We're talking about Kevin Lacroix here, some drivers that really know how to drive NASCARs. Are you feeling nervous a bit about that? Not really. I saw Lacroix last year would definitely be good at iCar and the Three Rivers for sure. Mm-hmm. And then the other guys, I think LeBay will be really good this year. It's his first time running the full season. He's done almost probably as many races as I have in the series, and you know, hundreds and hundreds of oval races. So he's a good guy to watch out for. But not too nervous. You know, Scott Steckley was definitely pretty good. Oh yeah, and he was. And he won't be in it. So feeling like there's a little bit of an opening to be filled in the series. And do you think your oval career is getting better now in 2016? You had the time to practice last year. Now is it going to be good? Yeah, exactly. I think we showed speed for sure, qualified pole at Sunset. So just, getting into that oval mentality, it is a little bit of a different sport than road racing. So just trying to get comfortable with the car and how to set it up for lap 200 or lap 250. Yeah, definitely. And tell us, how can we help now that you're one of the ones that have been chosen to be part of NASCAR Next Class? Is there any way we can help? I think just lots of social media attention. Mm-hmm. If you want to share my stuff, that's awesome. I think just bringing attention to the series, that's what I really want to do. And I think me being the first kid from the Canadian series, Canadian Tire Series before and the Pinty Series now, will bring some spotlight to the series. So if we just show professionalism like we have been in our series, it'll help legitimize the whole deal. Definitely. Well, Gary, we hope that you're going to be one of us in Chaudière, that your car will be better. And tell me a little bit more about the team. Is it the exact same team as last year? Is your father still around? How does it go for you? Pretty much all the same guys as last year. Mm-hmm. I run the team, and I've got John Fletcher. He's the crew chief. And we've got all the same guys. And then new for us this year, Pioneer Family Pools is on the car in Ontario, and poolsupplieskanada.ca will be on the car in Quebec. So look for me announcing that new paint scheme for the Quebec races. Mm-hmm. As well, Bothwell Accurate's on the car for Ontario. So we've got a whole new look and a new road course car, and we're excited about 2016. Those are some really great news, Gary Klute. We will wish you the best of luck for 2016 season, and hopefully the best for NASCAR Next Class. Thank you. I appreciate you having me on. Thank you. Alors, comme le disait Gary Klute, c'est une nouvelle saison. Il y a quand même beaucoup d'adaptations à faire. L'année dernière, on se pratiquait quasiment pour les circuits qui sont maintenant ovales. On a acquis de l'expérience de ce côté-là. On va se retourner pour la prochaine qui est du côté de Chaudière. On espère que le tout va très bien aller. Et il se disait lui-même quand même... pas très très nerveux, assez confiant pour la saison 2016. Comme il le disait lui-même, il a eu le temps de vraiment apprendre comment les circuits ovaux fonctionnaient. Et cette saison, eh bien, il va tout simplement courser pendant toute la saison. Et on a discuté aussi de NASCAR Next Class. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est vraiment un moyen pour les pilotes qui veulent monter plus haut dans les séries NASCAR, donc exemple série américaine. C'est vraiment un moyen de leur donner de l'exposition au jeu. Allons-y comme ça, allons-y avec ces termes-là. C'est vraiment un moyen de leur donner du média, du temps de média, et ces gens-là sont choisis selon comment a été la dernière saison. Et c'est aussi basé, bien évidemment, sur les performances, mais c'est basé sur les médias sociaux, c'est basé aussi sur certains pilotes dans les grosses séries NASCAR et certains vétérans qui vont venir voir comment ça se passe de ce côté-là pour certains pilotes. On a 11 participants en 2016-2017 et Gary Clute est le seul Canadien à être parmi eux. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances. C'est pas vraiment un concours, hein. C'est vraiment ce qu'on voulait apprendre. C'est pas vraiment un concours, c'est vraiment plus de donner la chance aux gens de voir comment est-ce que ça se place. Et c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça NASCAR Next Class. C'est qu'on veut vraiment leur donner certains trucs du côté médias sociaux pour arriver à pouvoir se pousser nous-mêmes, pour pouvoir se faire voir tout simplement. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne en course automobile, pour pouvoir recevoir quelques appels qui vont nous faire monter parfois un petit peu plus rapidement. Eh bien, c'est vraiment cette chance-là que Gary Clute a en 2016-2017. Et il le disait lui-même, malheureusement, ça n'a pas super bien été du côté de Canadian Tire Motorsport Park cette fin de semaine. On a malheureusement sauté deux moteurs en pratique et en qualification. Mais vraiment, l'équipe 59 Pioneer Pulse Dodge a travaillé très, très fort toute la soirée de samedi jusqu'à dimanche pour pouvoir mettre en marche une voiture qui allait être très performante. Et on doit le dire, ça a quand même été très performant. Gary Clute partait dernier à ce moment-là. Donc, il devait monter un petit peu du coude et il devait vraiment y aller avec beaucoup de force parce qu'il y avait plusieurs pilotes très talentueux sur la piste. Donc, il a quand même terminé en 10e position. C'est sûr qu'un pilote, ça veut toujours terminer dans le top 3 quand même. Et souvent, plus qu'autrement, terminé sur la première marche du podium. Mais lorsqu'on est parti dernier, c'est-à-dire 27e, 28e, se ramasser 10e après plusieurs drapeaux jaunes et après, ma foi, de la pluie, de l'action comme ça se pouvait pas, eh bien, on doit quand même être très, très fiers. Donc, du côté de Gary Clute, je sens qu'on est d'attaque pour la saison 2016 et on va regarder ça de très près parce que, comme on le disait, la meilleure façon de faire faire voir Gary Clute pour NASCAR Next Class, c'est si vous allez vous abonner à sa page Facebook. Donc, faites un petit tour, Gary Clute sur Facebook, K-L-U-T-T. Allez aimer la page publique de Gary Clute. C'est vraiment une des meilleures façon que l'on peut le supporter dans cette aventure-là qui est NASCAR Next Class. Au retour de la pause, on va discuter Indy 500 et après ça, un petit peu plus tard, on va jaser Nissan Micra avec Kevin King. Donc tout ça au retour à En Piste avec Tania Baudin. C'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou. Trois-Rivières, c'est le 89.1. De retour à En Piste avec Tania Baudin. Avec Tania Baudin sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. J'espère que vous êtes contents de l'émission présentement, du moins durant la journée. Des sujets quand même assez diversifiés. Je voulais parler un petit peu de Indy avec vous. Le Indy 500 qui approche quand même à grands pas. Et là, on peut pas passer à côté. Allons-y. Ovation. James Hinchcliffe, Canadien, qui prend la pole position pour le Indy 500 cette fin de semaine. On ne pourrait mieux souhaité, je crois. L'année dernière, James Hinchcliffe, on le sait tous, avait eu un grave accident en pratique du côté d'Indianapolis et malheureusement, il n'avait pas pu prendre le départ, tout simplement, parce que c'était quand même assez grave comme accident. Rappelons-nous qu'une barre de suspension lui avait traversé la jambe. Pendant plusieurs mois, on croyait que James Hinchcliffe n'aurait pas la chance de retourner dans une voiture et malgré tout ce que les médecins lui avaient dit, tout ce que son entourage lui avait dit qu'elle est arrivée. James Hinchcliffe s'est remis au travail. On a travaillé très, très, très fort, que ce soit en gym, que ce soit à l'hôpital, en physio, pour vraiment remonter dans une voiture et retourner du côté du IndyCar. Et la saison 2016 vraiment se passe à merveille jusqu'à présent pour James Hinchcliffe. On espère que ça va continuer, bien évidemment. pole position du côté du Indy 500. C'est gros, c'est très, très gros, mais on est vraiment très content. Et tout à l'heure, je vous parlais de 10 points que vous ne savez peut-être pas par rapport à la Indy. Eh bien, on va y aller du côté de 10e position. Tiens, depuis le premier Indy 500 en 1911, eh bien, comment est-ce que je pourrais dire? Le vainqueur de l'année dernière est Juan Pablo Montoya. Et c'est lui-même qui a gagné son premier Indy 500 il y a 15 ans. 15 ans, c'est pas rien, hein? c'est du stock. Quand tu dis que ça fait 15 ans que tu roules le même événement, et plusieurs fois, ça l'est arrivé qu'il est tombé dans les top 5, top 3. Donc, de ce côté-là, Juan Pablo Montoya, ça va quand même être un pilote à garder en tête durant le week-end, parce que c'est un qui pourrait surprendre sur la piste cette fin de semaine. Et en 9e position, bien évidemment, c'est la ligne de départ, les premières positions, les meneurs de l'événement de 2016, qui est quand même assez incroyable. Je vous parlais de James Hinchcliffe. Comme l'article le dit, l'année dernière, c'était un très, très grave accident au Indianapolis pour James Hinchcliffe. Mais cette année, il part sur la pole. Sérieusement, on n'aurait pas pu mieux demander. Tout juste aux côtés de Joseph Newgarden et de Ryan Hunter-Reay, ce sont des pilotes qui sont habitués de rouler à l'avant. Joseph Newgarden qui a déjà quelques victoires dans son chapeau, disons-le comme ça, dans son chapeau. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça va se passer du côté de James Hinchcliffe, tout simplement. Est-ce qu'il va être capable de garder la pole très, très longtemps? Eh bien, ça, c'est une autre question qui nous arrive à notre point numéro 8 des 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur le Indianapolis. C'est que 20 pilotes ont gagné la course, c'est-à-dire qu'ils ont gagné le Indy 500 après être partis de la pole position. Ça, là, ça nous donne des frissons quand on pense que James Hinchcliffe pourrait, il a le talent, il pourrait très bien gagner le Indy 500 cette année. Et 20 pilotes ont remporté cette épreuve-là en partant directement de la pole position. Et plus récemment, c'est Helio Castroneves qui l'avait fait en 2009. Donc, on se croise les doigts pour que James Hinchcliffe puisse le faire cette année. Ça serait merveilleux. On va y aller un petit peu plus rapidement parce qu'il reste pas grand temps à l'émission. Alors, pourquoi pas, le numéro 5, le point numéro 5, c'est les femmes qui sont à l'honneur dans ce point-là. Pippa Mann va être une des seules femmes à avoir participé au Indy 500. C'est Non, OK, c'est pas vrai. C'est pas la seule qui va participer au Indy 500. C'est la seule cette année qui va participer à l'événement. Et c'est la 17e femme consécutive avec... qui va participer à cet événement-là. Donc, il y a eu 17 femmes pilotes avant elle qui ont réussi à se rendre jusqu'au Indy 500. Et cette année, c'est Pippa Mann. Donc, on espère, croisons-nous encore les doigts une fois, que cette femme va quand même bien nous représenter sur la piste. J'en ai aucun doute. On va falloir la garder, elle aussi, à l'œil. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Et aussi, en avant, eh bien, si on y va du côté des 100 derniers Indy 500, il y a Roger Penske qui lui va conduire le Chevrolet Camaro Pace Car. Donc là, on parle que c'est un des gars qui a déjà gagné le Indy 500. C'est approprié parce que c'est son 50e anniversaire de carrière en course automobile. C'est le 100e Indy 500, donc bien évidemment, du côté anniversaire, on y va dans la même lignée. Et Team Penske a un record de 16 victoires pour l'événement qui est le Indy 500. On espère du côté de Team Penske, de l'équipe Penske, de pouvoir avoir une autre victoire cette année. Ça va être une course. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens cette fin de semaine, du moins dimanche, qui vont rester devant leur téléviseur. Moi, je dis ça comme ça. Je pense que ça va se faire, là. En fin de semaine, je pense qu'il y a plusieurs personnes amateurs de course automobile qui vont rester devant leur téléviseur pour tout simplement voir où James Hinchcliffe va terminer la course. Et il y a aussi certains pilotes qu'il faut garder en tête, dont Alexander Rossi, qui a fait partie de la Formule 1. Il était pilote de réserve. Malgré tout, oui, c'est pilote de réserve, mais il a fait de la Formule 1 et il part de la 11e position pour le Indy 500. Donc, gardez tout ça en tête. Allez faire un tour sur les médias sociaux pour voir la grille de départ. Si vous êtes comme moi, vous l'avez déjà fait et vous vous dites déjà, oh mon Dieu, ça va être une course assez enlevante, merci. Le Québécois Alex Tagliani a malheureusement qualifié dernier après un bris mécanique. On a eu un accident en qualification, si je m'abuse, aussi c'était en pratique. Donc de ce côté-là, il va falloir garder un œil aussi sur Alex Tagliani. On le sait, c'est un pilote qui veut lui-même aussi foncer, qui veut bien performer. Et il a déjà eu lui-même la pole au Indy 500. Donc, est-ce que de ce côté-là, est-ce que Alex Tagliani, on peut-tu dire top 10, top 5? Je vais moi-même, OK? Je me prononce. Ouf, je vais prendre le... Ouais. Si jamais il y a de quoi, là, vous pourrez me le dire sur les médias sociaux, sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Tania, tu avais tort ou quoi que ce soit. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'Alex Tagliani va faire un top 3 en fin de semaine. Je ne crois pas au top 5, mais je pense que la possibilité du top 10 est là. C'est gros, hein? C'est gros de dire ça. Mais on va garder ça en tête. On va regarder Alex Tagliani durant la fin de semaine, voir comment ça se passe de son côté. Et tout de suite après la pièce de 8 Second Ride de Jake Owen, eh bien, on va entendre Kevin King au téléphone avec nous dans quelques instants à En Piste avec Tania Baudin. Said, hey girl, what's your name? Haven't I seen you before? I recognize them dark green eyes when you walk through the door. Are you alone or are you with someone? She said, a matter of fact, I'm not. So I took her hand, that's when it all began, and we headed towards the parking lot. She said, hey boy, do you mind taking me home tonight? Boy, with tires on his truck this high. I said, climb on up, but honey, watch the cup that I'm spitting my dip inside. And hold on tight, cause it's gonna be wilder than any 8-7 ride. We went right around rocking to the sound of a country boy can't survive. I knew then she was my kind of girl, cause she was singing every single line. And she slid on over, put my hand on her shoulder, and I asked her what she wanted to do. She said, it really don't matter where we go, just as long as I'm riding with you. She said, hey boy, do you mind taking me home tonight? Cause I ain't ever seen a country boy with tires on his truck this high. I said, climb on up, but honey, watch the cup that I'm spitting my dip inside. And hold on tight, cause it's gonna be wilder than any 8-second ride. So we headed out to Old Tobacco Road. Put the tailgate down, we made love. She said, true country boy is hard to find. But I found one wilder. She said, hey boy, do you mind taking me home tonight? Cause I ain't never seen a country boy with tires on his truck this high. I said, well, climb on up, but honey, watch the cup that I'm spitting my dip inside. And hold on tight, cause it's gonna be wilder than any 8-second ride. Yeah, hold on tight, cause it's gonna be wilder than any 8-second ride. Right. 8-second ride de Jake Owen. Une pièce qui, encore une fois, est du country, je vous l'avais dit, toutes les chansons qui ont joué pendant l'émission jusqu'à maintenant sont des chansons de country, mais bon, c'est mon faible, j'aime ça, que voulez-vous, je dois m'avouer. C'est comme ça que ça se passe. Puis de toute façon, ben c'est pas mal moi qui choisis la musique, hein? Fait qu'il faut faire avec. un petit peu plus tôt, on a discuté de ce qui s'était passé dans la série Nissan Micra il y a quelques semaines déjà, à peu près 2 semaines. Et au téléphone avec moi, j'ai Kevin King. Bonjour, Kevin. Bonjour. Ça va bien? Ça Ça va bien, toi, Tania? Oui, merci. Kevin, qui a fait partie, peut-être pas de son gré, à l'accident qui a eu lieu du côté de Kalabougi. Kevin, dis-moi exactement qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la ligne intérieure, c'est-à-dire lui qui partait sur en première position, a échoué son départ. Mm-hmm. Et puis, je suis tout allé vers l'extérieur pour le dépasser. Et puis, il a commencé à déraper dans le premier tournant à Kalabougi. Puis, quand il a commencé à déraper, il m'a frappé. J'ai été le premier impliqué dans l'accident. Aussitôt qu'il a commencé à déraper, il a perdu contrôle de sa voiture et puis ça a créé un carambolage. Là. J'étais la première voiture à frapper le mur à 152 km/h. Et puis, à partir de ce point-là, ça a tout chamboulé pour six autres pilotes. De ce côté-là, on a su que tout le monde était correct. Il n'y avait personne qui avait eu de graves blessures, tant mieux. Par contre, du côté mécanique, qu'est-ce qui arrive pour les voitures? Est-ce que toi, tu es présentement... est-ce que ta voiture est correcte pour la prochaine manche de la coupe? En fait, non. Ma voiture n'est pas récupérable. Mm-hmm. Elle était beaucoup trop endommagée. J'ai fait des tonneaux aussi, puis tout le frein m'a accroché. C'est pareil pour quelques autres voitures aussi. Donc, moi, mon commanditaire, c'est-à-dire Sorel Tracy Nissan, a décidé de préparer une nouvelle voiture pour la prochaine manche à Mont-Tremblant en fin de semaine. Donc, de ce côté-là, c'est tant mieux. On va pouvoir te voir en piste. Partir de Kalabougi avec un accident comme ça et s'en aller du côté de Mont-Tremblant, on sait que c'est des pistes qui se ressemblent quand même du côté du tracé et peut-être même du côté échappatoire aussi. Comment est-ce que tu te sens pour en fin de semaine? L'accident ne change pas mon avis du tout. Mm-hmm. On a parti la saison en force en remportant la première manche de la série cette année. On va continuer cette lancée-là dans cet objectif pour Mont-Tremblant aussi. L'accident ne me fait pas pantoute peur ou me donne pas de recul. Bien, tant mieux. Kevin, on a su aussi que tu serais peut-être retourné au karting. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement. Dès le début de l'année, c'était dans les plans de faire tout le championnat du SCKC, c'est-à-dire de l'Est du Canada. Mm-hmm. La première manche était en fin de semaine dernière en Ontario, à Goodwood. Et puis, j'ai fini deuxième ce dimanche, mm-hmm. à 14 centièmes de la première position. Donc, c'était une course très, très serrée. Oui, hein? En fait, aussi, on va faire. J'ai l'intention de faire deux autres courses dans ce championnat. Je vais devoir manquer Mont-Tremblant parce que j'ai une autre course à Nissan Micra, okay. À Mosport. Donc, de ce côté-là, on va vraiment aller prioriser la série Nissan Micra. Et quelle est la mission cette année-là, en 2016, pour toi en Nissan Micra? Nissan Micra, effectivement, on vise le top 3, c'est-à-dire au championnat. OK. C'est sûr que on a une bonne équipe cette année, on a des bons supporters, des bons commanditaires, donc on devrait être capable de remporter le championnat. C'est dans la vision, c'est faisable. Excellent. Eh bien, Kevin, on va te souhaiter la meilleure des chances pour cette fin de semaine du côté de Mont-Tremblant, aussi pour ta saison en karting. On va te suivre de près parce qu'en piste avec Tania Baudin, quand même eu un bon coverage de tout ce que tu faisais du côté sport automobile. Donc, encore une fois, on va te souhaiter la meilleure des chances pour cette fin de semaine. Merci, Kevin. Bien, merci à toi, Tania. Et pour nous, c'est déjà quasiment la fin de l'émission. On va aller en courte pause et au retour, eh bien, on va déjà avoir le temps de se dire au revoir. Vous êtes assez pour l'écouter. 89.1. Oh, c'est déjà la fin. Il est 14h59. Je vais avoir le temps de mettre une chanson entre mon émission et l'émission de Mathieu Plante, le Mathieu Plante Show. Donc, restez à l'antenne de C'est fou 89.1 FM parce que, comme je le disais, c'est Mathieu Plante qui s'en vient. Ça va être très, très divertissant. Émission geek, on va parler jeux vidéo, musique de jeux vidéo aussi, bien souvent. Et je ne sais pas si cette semaine, Samuel Gérard va être là, mais en temps normal, la plupart du temps, il est là. Donc, si jamais vous voulez savoir, bien, vous allez devoir rester avec nous parce que c'est Mathieu Plante qui suit. Et un petit peu plus tard, durant la soirée, eh bien, il devrait y avoir la soirée du baseball, les Aigles Canam de Trois-Rivières, qui vont être 9 FM. Et comme je le disais, c'est la fin. On va se laisser avec une pièce qui joue dans le film Fast and Furious. Voici Ride Out. Et à la semaine prochaine, tout le monde! Came in at first, had bad luck. Got a whole lot, remember I ain't had nothing. We done sold out, now everybody mad at me. Tell them roll out, now everybody smashing. Get ready, cause you know it about to be a problem. Hey, hope you ready, cause you know it about to be a problem. This is the only way we know to go. Squad up, never roll alone. And we gone. Cars in the driveway, cash in the driver door, spin it, do it my way. Beat you like a matador, fresh out the catalog. One fall, we all fall, crew like dominoes. Paper chase by my nose, all my dogs riding smoke. Mob heavy like the Pope, for that pot of gold. We are not alone, boy, better check your tone. You gon' need a lot of help, I ain't talking bank loans. Sit with us, table last supper. Toast to the brothers, some bad motherfuckers. Yeah, ain't nothing but pure luxury. You looking left of me, should be looking up to me. Preferably one of the best. She rhyme cause we next now and forever to death. Be loyal, will and respect. Stay ahead of the rest. We just sit back, relax, doing things to impress. This is the only way we know to go. Squad up, never roll alone. And we gon' ride on forever. We ride out together. Pull up right in your zone. Take over the street, that's how we roll. And we gon' no way these niggas stopping me, oh no. Flying from a mile away, it's not a problem, only real ones follow me. And I can do this with my eyes closed, blindfold two times over. Ride solo, I got women and got soldiers. I ain't tripping, can try get it, show night's over. Talking no melatonin, get it and fight coma. What's the feet of a giant, niggas feeding the fire. Just to read, be less than flee when they flying. You don't believe it, they try it, we don't believe it, just trying. I call the people to leave them 100 pieces divided, that's cold blood. I've been this dope life for summers. And I ain't really going for it. He say, or she say, keep it G for peace sake. I know this, that bone you pick might leave you in this. This the only way we know to go. Squad up, never roll alone. And we gon' ride on forever. We ride out together. Pull up right in your zone. Take over the street, that's how we roll. And we gon' ride on forever. We ride out together. Ride. Is you with all the burglarizing in the violence? If Jimmy got caught up, but you was right there with him. So the police asked you questions. Is you gon' keep quiet? Is you loyal? Is you real? Is you fake? When I can't tell, that's the type of ways that I hate. You got that fake friend syndrome, and it's no cure, so your symptoms is gon' show. You know the code. Stick around, hold it down, never fold. Like it's a crease up in your dicky branch. Hold up, each one, motivate each one to be some. I ain't just another statistic. I do this, this, and that. If you wanna get specific, I'm just tryna make my day go quicker. For me and my day one hitter.